au Centre des congrès de Québec. Le Salon international du livre de Québec, du 10 au 14 avril. De la BD sur scène, du 6 au 14 avril prochain, le Festival Québec BD vous invite à découvrir plusieurs spectacles alliant le 9e art à la poésie, au théâtre, à la musique et au burlesque. Curieux? Découvrez toute la programmation au québecbd.com. Imitation de sax par Bruno. On y va. C'est Terre Incognita, Michel et Bruno, ce soir jusqu'à minuit. Plein de nouveautés à vous faire entendre, à vous faire découvrir. Et on va commencer avec Bjørn Riis, qui va nous visiter, incidemment, le 17 mai au Centre d'art La Chapelle, dans le cadre du festival Terre Incognita. Une première en Amérique du Nord pour M. Riis. Je pense que il y a pas mal de gens qui sont impatients de les voir parce que Bjørn va présenter aussi un concert avec son groupe Airbag le lendemain, le samedi. Donc, deux concerts en deux jours pour M. Riis. Et il s'apprête à lancer un nouveau disque solo qui a pour titre A Storm is Coming. Et c'est ce qu'on va écouter dans quelques instants. Le disque, je pense, sort officiellement le 3 mai. Selon mes dates, là, ça serait le 3 mai officiel. On vous donne un avant-goût ce soir avec la pièce d'introduction « When Rain Falls » et on vous revient avec ça, après plein de bonnes choses encore à écouter. Et je pense que M. Riis est à veille de nous... Bruno me fait signe que oui, ça fait que... C'est parti pour deux heures de bon prog, Terra Incognita. Thank you. catch me when I'm walking out the door. Will you call for me to stay? Will you leave? Never save me from this storm.

the sky, light of the world. Let the flowers bloom and make us thrive. Light of the world, your energy is what we hope to find. Circle of time. always present, you are here and never gone. Soul one of rain, you give us strength to survive. Fabuleux Allemand, vous avez reconnu probablement RPVL, ou selon l'appellation, certains c'est RPWL, de leur plus récent Tales from Outer Space, un groupe qu'on a eu le bonheur de voir à deux occasions à Québec dans le cadre de Terra Incognita. Et puis, que mon Dieu, j'espère bien qu'on va revoir un jour dans notre ville. Avant, on avait, ça nous vient d'Italie, une nouveauté, Giant Divine. Et c'est le titre de l'album est Music for Empty Places, un disque instrumental, un peu un mélange de on reconnaît des bouts, un peu la guitare de Steve Hackett, mais il y a aussi comme des influences post-rock. C'est un disque que j'ai découvert cette semaine, que j'apprivoise et puis que j'aime, donc c'est déjà bon signe. Autre belle surprise d'Italie, et puis le disque est vraiment, là, ça m'a impressionné, c'est le groupe a pour nom Evelyn's Dust. Et l'album, simplement K, la lettre K, et c'était la pièce A New Beginning, un groupe qui, mon Dieu, c'est leur troisième, je pense, sauf erreur. Le deuxième m'avait vraiment plu, mais celui-ci, vraiment chapeau, là, encore des jeunes Italiens qui tirent leur aiguille, enfin, leur épingle du jeu. J'étais pas l'aiguille, j'étais loin. Ben, pas loin de la table tournante, là, mais bon. Et puis, on avait donné le coup d'envoi avec Björn Riss de son prochain album solo, A Storm Is Coming. Comme je disais au début, je pense que la date est le 3 mai, la date de lancement officiel. Et puis, ben, on va avoir le bonheur de le voir le 17 mai au Centre d'art La Chapelle. Il reste encore quelques billets. Si ça vous tente. Puis je pense que ça va être vraiment bon. Et puis, je peux dire que présentement, pour le samedi, pour Airbag, il ne reste plus rien. Et puis, pour le dimanche, pour Finistère et Fido, il ne reste plus rien non plus. Zéro billet. Donc, il y a probablement, à chaque année, il y a des gens qui me contactent pour me dire, ben écoute, Michel, bon, pour X raisons, j'ai des billets à placer. C'est que ça, ce serait à surveiller. Peut-être, je vous tiendrai au courant. Je vais passer le message, mais bon, pour le moment, il reste des billets seulement pour le vendredi. On continue en musique. Cette fois-ci, on va aller du côté du Brésil. Je pense que Bruno est à veille de se pointer. Il faut que je le rappelle. On y va du côté du Brésil. Non, c'est drôle parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas là. Puis là, il m'a entendu. le temps de vous rappeler que vous écoutez Terra Incognita. C'est Michel et Bruno ce soir. On est avec vous jusqu'à minuit. On va faire On va faire un petit tour du côté du Brésil avec un groupe qui a pour nom, c'est encore un jeune groupe impressionnant, le Stratus Luna.

Garda World, leader québécois de l'industrie de la sécurité, offre une multitude d'emplois dans la grande région de Québec. Nous avons besoin d'agents de sécurité sur appel pour la période estivale et pour des contrats réguliers. Nous avons également des postes d'agents de transport de valeur, de signaleurs routiers, ainsi que des postes temporaires ou permanents chez nos clients dans le secteur bancaire, industriel et services à la clientèle. Offrez-vous un monde de possibilités. Joignez-vous à une équipe dynamique en visitant notre site garda.com/carrière. De retour, on va jeter un petit coup d'œil en arrière. Il y avait, pour terminer le bloc, Professeur Tip Top de leur plus récent Hybrid Hymns, un groupe norvégien. On avait Red Bazaar, ça nous vient du Royaume-Uni avec... mon Dieu, attendez un peu. Allez, je ne suis même pas capable de me relire. Je vais vous le dire tantôt. Là. Ça se peut pas. Monsieur, je vais me taper ses doigts qu'une règle. Red Bazaar, donc, Things as They Appear. Très bon, effectivement. Là, comme Et on avait donné le coup d'envoi avec un jeune groupe, encore des jeunes prodiges. Ça me sidère toujours de voir des jeunes de 18, 17, 18 ans à sortir des disques aussi matures que ça. Stratus Luna, ça nous vient du Brésil. Là. On parlait de la Norvège. Ben, on va aller faire un petit tour en Norvège avec, cette fois-ci, un groupe qui a pour nom 35 Tapes. Et c'est leur premier disque, un groupe qui a été fondé dans les années 70, mais qui a finalement abandonné en cours de route pour revenir à la charge comme, mon Dieu, 30 ans plus tard. Donc, mais on me dit que les pièces, c'est pas des pièces composées à cette époque-là, c'est vraiment plus, c'est tout du nouveau matériel. Et pour ce premier disque-là, donc c'est pas des pièces qui ont été composées là, dans les années 70. Le disque en question, c'est Lost and Found, et ça nous vient de la Norvège. Donc 35 Tapes, et 35 Tapes, c'est une allusion, une référence aux 35 notes de clavier du mellotron. Ça vous donne une idée que les messieurs aiment ça. Et chaque note ayant son ruban distinct, donc 35 tapes. On y va, c'est Michel et Bruno, on est avec vous jusqu'à minuit, et on y va avec 35 tapes. We'll be right back. I know this game. We'll be right back. via. C'è chi inebriato muore, chi respira ancora, chi si lascia naufragare nel dolce mare. Oh, CKRL. Communication, culture. T'es tanné de la cabane à sucre style cafétéria? T'as envie de vivre une nouvelle expérience pour le temps des sucres? La cabane urbaine est de retour cette année avec une nouvelle formule 100% sur la route. Que ce soit pour votre club social, votre entreprise ou pour gâter vos clients, la cabane urbaine vous offre un concept de cabane à sucre mobile. Sucrez vous le bec avec la tire d'érable sur la neige et vivez l'expérience en y ajoutant de la mixologie de l'érable. Ou régalez-vous avec notre offre barbecue des sucres. Le tout dans un décor chaleureux et festif. Réservez votre expérience au www.cabaneurbaine.com ou visitez notre page Facebook. La cabane urbaine, un concept signé stratégique. De la BD sur scène, du 6 au 14 avril prochain, le Festival Québec BD vous invite à découvrir plusieurs spectacles alliant le 9e art à la poésie, au théâtre, à la musique et au burlesque. Curieux? Découvrez toute la programmation au québecbd.com. Et de retour. Bon, ben écoutez, ce qu'on a entendu avant les pubs, c'était pas Pink Floyd, mais c'était pas très loin. C'est un groupe italien qui nous revient avec un album simplement intitulé 4-4. C'est London Underground. Et c'est un... En fait, eux-mêmes disent que c'est un jam en studio. Et ils l'ont intitulé Jam One. Donc... Ça dit ce que ça veut dire. On avait avant encore d'Italie, Tacita Intesa, de leur nouvel album Faro, et encore d'Italie, Abelard 2. Très non bizarre, mais bon. En fait, c'est le projet du claviériste, l'ancien claviériste de Anne Maiora, Sergio Localeca, et qui est quand même rendu à 6 albums solo. Là, ça a passé un peu comme sous le radar. Et cette pièce était tirée de l'album Maybe, qui n'est pas récent, c'est pas le plus récent qui est instrumental, mais il est aussi bon. Donc, Abelard 2 de l'album Maybe. Bien, ces dernières demi-heures, écoutez, on a encore de bonne musique, inquiétez-vous pas, là, jusqu'à la dernière minute. On va aller faire encore un petit tour du côté de la Norvège avec un groupe qui a pour nom Trojka, et c'est leur deuxième album. Un petit peu Canterbury comme son, je vous laisse en juger. Donc, on entame notre dernière demi-heure, Terra Incognita, Bruno et Michel. We'll be right back. stället kommer den kom. Att det är nu i den sen. Släpp alla mänskliga hjärten som förbi sin död. Ideologi allt går ända sakta kontrollert. Yeah. Amami nel bacio velenoso della vita. Amami nelle parole che scorgono dalla mia bocca, che fuoriescono violente tra i denti appuntiti. Ama il mio cuore nero, la sua luce di lame, il mio fiore insanguinato che nasce per te. Ama la pura bellezza del cuore, la poesia della carne. Thank you. Ça nous vient d'Italie. Vous allez me dire, ce soir, c'est assez italien et norvégien. Oui, ça se partage pas mal dans ça. Le plus récent, Céleste, je pense que ça faisait 76, je pense, le dernier disque, le premier d'ailleurs, de Céleste. Et ça, c'est le nouveau qui a porté Il Rivesclio del Principe. Avant, on avait encore d'Italie Maurizio Di Tolo, le batteur de La Maschera di Chiera et le batteur aussi de Moon Garden pendant un bout. Son disque solo, L'Uomo Trasparente. Et je pense qu'il y en a que... Demande spéciale de Bruno, Nick Turner, de son plus récent, The Final Frontier. C'était la pièce Out of Control. Puis on avait amorcé avec Trojka, un groupe norvégien, de son plus récent disque, Triout. On reste en Italie et puis c'est le temps de vous souhaiter une bonne nuit sur nos ondes. Il y a dans quelques instants l'autoroute. Et pour faire le lien avec l'autoroute, on va vous laisser ce soir avec quelque chose que j'ai déterré de 1972. Un groupe italien qui a pour nom Jet, c'est J.E.T. de l'album, je pense que c'est le seul album d'ailleurs qu'ils ont fait, le Fede Speranza Carita. Ce que j'appelle du proto-prog, là, c'est la transition est là, hard rock avec de l'orgue, et ça fait un peu Deep Purple, un peu Uriah Heep, et ça brasse un peu aussi, donc on va vous laisser avec ce dernier disque. Je vous invite à visiter notre page Facebook, il y a toujours plein de nouvelles, et évidemment, de revenir la semaine prochaine, soyez des nôtres, même heure, même poste. C'était Bruno et Michel ce soir, Terra Incognita, et je vous laisse avec Jet.